déjà traversé le miroir, tu te promènes. Oh, si tu savais, Alice, combien on t'envie au pays des délices d'aller. Là-bas t'attends sur son nuage dans le vent. Dans son grand pays, il t'emmène. Le chat de Chester te sourit. On dirait qu'il s'est échappé d'une bande dessinée. Oh, si tu savais, Alice, combien on t'envie au pays des délices d'aller. Arrive l'heure du thé, tu t'en vas chez le chapelier, tremper le loir dans la théière. Le lièvre de Mars est venu avec ses propos saugrenus, fêter ton âne anniversaire. Oh, si tu savais, Alice, combien on en vit le pays. T'emmène ton sommeil.